ne peux m'en occuper. Des fois ils sont dégoûtés. Laisse-moi le temps d'un couple, les rafales, je vais les découper. Et je veux